Salut. Je suis un homme heureux. Je suis un homme vraiment heureux. Je viens de loin. Et vous imaginez, regardant vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs, vous me regardez, vous êtes, on m'a dit, à peu près 27 millions en ce moment. Je suis vraiment un homme heureux. Je vous salue, je vous respecte dans vos rangs, dans vos situations sociales. Je me sens responsable. Je voudrais que vous sachiez que je vais tâcher, je vais tout faire pour être digne de votre confiance. Je voudrais que ces choses soient inoubliables, à quelque chose près. Merci vraiment de me consacrer votre temps, votre attention ce soir. Je vais essayer d'être le Kofi que vous aimez. Je vais essayer d'être le Kofi avec le moins possible de tare et de défaut. Merci vraiment. Merci. Je voudrais avoir une pensée en commençant à ma famille, à mes amis, mes vrais amis. Si j'imagine Samuel Eto'o en train de me regarder, si j'imagine Son Excellence le Président George Weah, si j'imagine Ahmed Bakayoko, l'étoile d'État, si j'imagine probablement, très probablement, Maman Ngouli avec Son Excellence Monsieur Sassou Nguesso, si j'imagine Hugo Ndélé, Vincent Gomez, si j'imagine le président Alpha Condé, si j'imagine Antonio Soare, Amadou Diaby, si j'imagine Adolphe Moteba, si j'imagine très probablement Noah ou Lorenzo, je suis vraiment un homme heureux. Et puis vous toutes, je vais vraiment essayer de faire une belle soirée. J'espère que vous avez aimé le début. On va y aller. Merci beaucoup. Depuis l'Ankaké, et Bangakaké, les collègues, et ça, vous allez à Koyba, et elle y a un bon mot. Ah, elle vient, là. Je m'appelle le quoi là? Je m'appelle le quoi là? Je m'appelle le Si va l'Inde à ta peau. Thank you. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous aimez le comportement de l'artiste? Est-ce que les notes sont bien? Tout ça. J'aurais aimé quand même me faire une idée. Quelqu'un peut m'amener? Ah, voilà, merci. Merci. Vraiment. Oula, oula, oula, oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Oh là là. Ah, il est message mis au Mokonzi. Bien habillé. À propos de mon habillement, j'aimerais vraiment que tout le monde, partout où vous êtes, de l'Australie, au Canada, en passant par les États-Unis, Los Angeles, que vous disiez merci à quelqu'un qui s'appelle Zero Foot, Nathalie Bumba. Donc Nathalie, je te dis au nom de toute la terre, merci infiniment. Merci beaucoup. Donc en fait, bon, il faut que je continue, parce qu'il y a pas mal de compliments, il faut que je continue d'être bon. Fali n'est pas devant, ça m'étonnerait que Fali ne soit pas là. Fali, bon, peut-être qu'il va réagir. Ah ben voilà, il a pris saumon. Non. Merci beaucoup. On continue, on va essayer de faire mieux. Avec Didon, il revient d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It is true that in St. James Bond, Osage la Mama, I'll be sick. C'était une petite manifestation comme ça, quelque part, dans une salle à Paris. Et beaucoup de ses amis sont venus ce jour-là. Et puis, je vois arriver un garçon qui était très ami avec Didi, qui était accompagné d'une très, très, très, très belle fille, et puis d'un autre gars. Huberti, je le connaissais parce qu'il s'appelait Huberti, Bangani, là où il est, il se reconnaît. Il était donc à côté d'une fille habillée en Versace, avec un nez qui aurait fait rougir Cléopâtre. Et puis ils viennent me saluer. J'ai dit à Huberti, l'ami de Didi, j'ai dit, mais comment ils osent la connaissance à Bouy, vraiment. Comment toi tu peux faire pour être avec un être comme ça? Hein? Comment? Il lui dit non, viens. Il n'y a rien. C'est même le gars-là, qui est malien, guinéen, je ne sais plus trop, qui essaye de. Mais la fille ne veut pas. Et la fille, quand je lui ai dit que j'allais à. Que je venais ici, ou toi qui organisais, il m'a dit non, il faut m'emmener parce que c'est Kofi Olomide. Ah bon? Ah, mais bon, franchement, si quelqu'un comme ça s'intéresse à moi, avec cette beauté-là, la semaine d'après, je me marie avec. Est-ce que, éventuellement, madame, mademoiselle, vous pourriez m'attendre après, à la fin de cette cérémonie? Il dit oui, bien sûr. Et c'était Ali Dor, Ali à la maman de Didi Stone-like. Salut, Quand même une histoire. Je me trouvais à Kigali, dans un hôtel, il y a vraiment quelque chose comme 15-17 ans, avec tout le quartier latin. On avait un concert énorme, on était attendu par tout le monde. Mais, juste à l'heure où il fallait aller à l'endroit du spectacle, je crois que c'était un stade, il y a eu la dame pluie, une pluie torrentielle. Une pluie, pas comme vous en avez connu. Je plains quelquefois et compatis avec les gens qui sont dans les avions, dans ces genres de moments. Mais il a plu vraiment abondamment. Donc on ne pouvait rien faire, on était tous pluie habillés, on était restés là. Et j'ai l'habitude, la mauvaise habitude d'avoir toujours une guitare acoustique comme là, avec moi. Et j'ai pris ma guitare, je me suis mis à gratter. Et ça, c'est là que j'ai composé la chanson Aspirer, qui est devenue aujourd'hui une espèce d'hymne. Donc, vous ne l'oublierez plus. La chanson Aspirer, je l'ai écrite complètement au Rwanda, à l'hôtel, pendant qu'il pleuvait. C'est pour ça qu'il y a un passage où j'ai dit Mbulizako Beta, Singa Guitar à Popolipo, Inzulukaki. Merci beaucoup, je voulais vous raconter ça pour le plaisir, comme ça, vous l'aurez su. Merci beaucoup, chers amis. J'ai encore une fois une pensée pour tous mes amis, surtout tous ceux qui ont été angoissés, tous ceux qui jusqu'à présent sont un peu constipés comme ça, c'est ceux qui ont un peu peur pour moi. Je les remercie, mais je voudrais qu'ils soient rassurés. Je suis déterminé, c'est mon caractère. Je suis déterminé dans la vie. Je ne suis pas du genre à reculer. Voilà. J'aimerais aussi que, lors de ce spectacle planétaire, que nous ayons une pensée ensemble pour notre pays, le Congo, pour mon pays, le Congo, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas congolais. Je sais comment voudrait si, à l'occasion, cette grande occasion, j'ai éludé tout ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais qu'ensemble, nous réfléchissions davantage. Je voudrais que nous comprenions qu'il est utile, qu'il est plus que jamais important et capital que nous mettions ensemble nos intelligences, nos ardeurs, notre amour de la patrie, pour que notre pays se relève. Nous sommes un peuple fier et nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit aussi abîmé encore longtemps. J'aimerais que le médecin se fasse violence, l'architecte, le pilote, la sentinelle, le commerçant, pour que, au-delà de ses qualités de commerçant, d'architecte, de commerçant, de chanteur, il sache faire quelque chose de plus pour notre pays. Moi-même, je vous le dis en tant que chanteur au jour d'aujourd'hui, j'en suis à réfléchir sérieusement à ce que j'aurais pu faire pour être utile autrement à mon pays. Je suis le chanteur qui ait chanté seul, sans qu'on m'ait demandé de le faire, la chanson Affaire d'État. Donc, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui nous prenions conscience que notre pays a besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. Il faut vraiment que nous nous mettions ensemble, que nous nous comprenions et que nous nous fassions à l'idée que personne à lui tout seul n'a la solution au problème de notre pays que nous aimons tant. Merci infiniment. Yeah. Emmanuel Kianda, Guy de Jean-Jacques, Jacques Alain-Douama. Qui va bien aimer? Laissez-moi t'aimer. Tu l'occasion, mon amour, tu vois.

bobi na tamo mukin c'est le jour tamo na ba tsoka na ya concert c'est fini pour moi mon cher mon papa mon papa ma fille na ba C'était jusque 20h. Il y a un mec dont j'aimerais que vous reteniez le nom. Il est venu dans mon univers déterminé. Il a dit que Kofi Olomide, le diplômé de l'université, l'artiste qui a honoré quand même son pays, qui a glané des trophées, des awards, devait reste égal à lui-même. Bientôt, 2018, vous aurez Légende. Légende, c'est 6-7 titres, dont la chanson de Samuel Eto'o et une chanson que vous aurez du mal à oublier, qui s'appelle Trésor public, qui est dédiée à Nathalie Bumba. Ce mec s'appelle Olivier Ndombassi, le patron de Pelousta. J'aimerais vraiment le remercier du fond du cœur parce que c'est lui qui conçoit, c'est lui qui dirige Kofi, je l'appelle mon boss. Mais alors vraiment, sincèrement, retenez son nom, Olivier Ndomba, c'est le patron de Pelousta, c'est lui. C'est à lui qu'on doit dire merci, c'est lui qui a conçu ceci. Toutes les personnes qui ont des idées pour Kofi Olomide, le temps que j'ai encore, beaucoup de temps, je sais, j'ai encore quoi, 52, 54 ans, 55 ans, comme ça. Amenez-moi aux idées, mais après, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vos remarques, vos observations. Retenez que je vais terminer ce concert heureux parce que j'ai été digne de votre confiance, je pense. Parce que, au moins, vous avez été là, vous disant que Kofi mérite qu'on s'arrête une heure pour lui. Merci infiniment. Je vais tâcher d'être correct. Je vais tâcher de m'améliorer chaque jour et de mériter chaque jour un peu plus votre confiance. Si vous aimez, vous avez aimé cette heure qu'on a passée ensemble, merci. Je sais que ça va se renouveler. Voici donc la dernière chanson, qui est la chanson préférée de Kofi Olomide dans le répertoire de Kofi Olomide. Ça s'appelle « Sans anesthésie ». Allons-y. Je dédie cette chanson à Emmanuel Kiamba, à Samuel Eto'o, à Angelou Central, à vous tous, Libouchiré, à Joseph Berthier, à Joseph Berthier. Mon amour est au camp, mon bébé est au camp, mon service est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, mon bébé est au camp, chaque étenia de ton âme, et pour ma femme, j'ai un jour, je vais me réfléchir. Au triangle, la solution de la tâche, ça je m'en vais. La tournée, la mienne, la compagnie, et la main, la main, vous en voyez. Est-ce que les sociétés qui ont fait votre sociétés qui font la tête? La tournée, la main, vous en voyez. Est-ce que les sociétés qui ont fait votre sociétés? Es Comme ce mot s'en parle.